C'est encore un plaisir d'être avec vous ce soir. Eh bien, on est en deuxième partie d'émission. On s'interroge sur les différentes attaques dont sont victimes la télévision panafricaine. Nous le disions au début de cette émission. On a eu, il y a quelques mois, c'était pas n'importe quel média, la première chaîne d'info de France qui faisait état de ce que Afrique Média était le porteur de la propagande russe sur le continent africain. Cette fois-ci, c'est l'un des plus grands quotidiens américains qui reprend ces informations-là à son compte pour continuer en quelque sorte de vilipender la télévision panafricaine. Afrique Média, Adrien Bouquet, pourquoi Afrique Média dérange autant au jour d'aujourd'hui? Alors, premièrement, je voudrais préciser et rassurer tous les téléspectateurs panafricains. Cet article dans le New York Times est une très bonne nouvelle. Pourquoi c'est une très bonne nouvelle? Parce que c'est une énorme pub au niveau international et américaine pour Afrique Média. Vous le savez, depuis un moment, Afrique Média dérange et dérange énormément certains gouvernements, certaines opinions et beaucoup de pays. Effectivement, ça avait commencé avec la France, notamment BFM TV. Mais même avant BFM TV, certains politiques du gouvernement français avaient également réagi sans nommer Afrique Média, bien sûr, mais en disant que l'une des premières chaînes panafricaines était en marche de propagande russe, etc., etc. BFM a suivi derrière. Et là, vous avez donc un article du New York Times qui vient de sortir. Effectivement, tout est très bien calculé avec la photo, la télé légèrement sur le côté. Vous voyez qu'en termes médiatiques et audiovisuels, tout ça a été extrêmement bien réfléchi. Quand vous regardez les propos qui ont été utilisés, ce sont des propos assez simples, mais très, très, on va dire, je dirais même limite sur une propagande, mais à l'inverse d'une propagande russe plutôt occidentale pro-américaine. Voilà, moi je pense que c'est une très bonne pub. Moi, vous savez, pour les gens qui me connaissent, je suis habitué, hein, je travaille régulièrement avec RT Moscou, RT Afrique, pour pas mal de choses, et principalement l'Ukraine et la Russie. Hein. Je rappelle que ça fait un an que je suis donc en Ukraine, dans le Donbass, à rapporter donc les informations pour Afrique Média sur la ligne de front en direct. Je tiens bien à préciser que je suis l'un des seuls occidentaux reporters de guerre à être allé également du côté de l'Ukraine au début du conflit et avoir, entre guillemets, passé beaucoup de temps avec Azov, puis je suis passé au niveau du Donbass et je rapporte maintenant donc les informations en tant que correspondant pour Afrique Média. Et effectivement, je vous donne donc mon analyse par rapport à cet article. Moi, personnellement, il n'y a rien d'alarmant. Au contraire, moi, plus il y aura des articles comme ça, mieux ça sera, je pense, pour Afrique Média. Plus, justement, ça prouve la véracité, on va dire, des informations que Afrique Média est en train de traiter, tout simplement. Si Afrique Média ne traitait pas des informations importantes, claires, et surtout très intéressantes, mais surtout ouvertes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chez Afrique Média et d'autres, il n'y a pas de ligne directive. C'est-à-dire que nous sommes ouverts à dire ce que l'on pense, mais surtout à ce qui se passe réellement. Il n'y a pas de censure, ni verbale, ni au niveau des images. Et cela est extrêmement important, je tiens à le préciser. Et voilà pourquoi Afrique Média se retrouve chez BFM TV et maintenant dans le New York Times. Donc pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, c'est une très bonne chose et ça peut vous même vous réconforter dans le fait que vous regardez Afrique Média, c'est-à-dire que vous avez la preuve aujourd'hui qu'au niveau international et même donc américain, Afrique Média fait peur. C'est clairement ça, Afrique Média fait extrêmement peur. Donc les médias internationaux essayent de fragiliser, d'impacter Afrique Média. Bien entendu, cela ne marche absolument pas. Il suffit d'avoir un petit peu de jugeote et d'intelligence pour comprendre que si on parle d'un média d'une certaine façon, c'est simplement parce que ce média dérange énormément. Après, chacun a son appréciation par rapport à cette chaîne Afrique Média, à croire, à pas croire, à visualiser. En tout cas, Afrique Média montre les choses et ne les censure pas. Contrairement aux médias français qui ont une ligne directive et qui ne montrent pas certaines vidéos qu'on pourrait retrouver sur certains canaux Telegram, sur Internet. Donc vous avez des preuves qui circulent par exemple sur certaines chaînes Telegram et qui sont reliées hein, par d'autres aussi médias internationaux, et Afrique Média va ouvrir une discussion, va voir la véracité, il y a une discussion qui est ouverte, contrairement voilà aux lignes directives qui sont données aux médias français de ne surtout pas apporter un visuel sur ces informations-là. Je peux donner un exemple, hein. Les armes françaises qui sont utilisées par l'armée ukrainienne dans le Donbass contre des civils à plus de 35 kilomètres de la ligne de front où il y a des militaires. C'est ce qu'on appelle tout simplement des crimes, et c'est ce qu'on appelle donc l'utilisation d'armes pour commettre donc des crimes, d'où l'implication que je vous avais déjà précisé et montré indirecte de la France dans ces armes qui sont données soi-disant donc pour défendre le pays, mais qui sont utilisées par certaines brigades pour attaquer, mais attaquer des centres-villes à plus de 35 kilomètres de la ligne de front. Toutes ces informations-là, qui sont des informations qui prouvent qu'il y a des actes criminels commis par l'armée ukrainienne, sont cachées par certains médias occidentaux, américains et principalement français. Il y a des lignes directives de ne pas montrer ces informations-là. Et heureusement, vous avez donc des médias comme Afrique Média et d'autres qui montrent ces informations-là et qui permettent aux panafricains de voir ce qu'il se passe réellement. Bien sûr, ce n'est pas que ces informations-là, et je vous donne un exemple pour que les téléspectateurs puissent comprendre de quoi je parle. Et voilà, donc tout simplement, pour moi, c'est une très bonne nouvelle que le New York Times parle d'Afrique Média. Bien sûr, pour le New York Times, c'est pour propager hein, une propagande certaine, hein, pro-américaine, pour montrer que soi-disant le Kremlin se sert d'un média africain pour propager leur propagande, etc., etc., ce qu'on entend depuis à peu près 6 mois, mais les téléspectateurs qui nous regardent ce soir ne sont absolument pas dupes. Je le rappelle bien, si on parle d'Afrique Média ou de quelqu'un d'autre, c'est qu'il dérange. Et il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi il dérange? C'est cette question qu'il faut se poser. Pourquoi il dérange? Tout simplement, il suffit de regarder les informations que vous traitez actuellement pour comprendre pourquoi le Afrique Média est référé, on va dire, jusqu'au New York Times. Voilà pour mon avis sur comment dire cet article. Et je viens également donc terminer mes propos en vous donnant une petite information. Je suis en train donc de faire une investigation principalement sur le Mali, avec en collaboration avec Monsieur Ebosama, donc le directeur des programmes d'Afrique Média. Nous sommes en train donc de réaliser une investigation sur le Mali très importante. Donc je tiens à dire aux téléspectateurs d'Afrique Média qu'il y aura donc bientôt un documentaire sur le Mali qui sera extrêmement importante, avec d'énormes révélations. Je vous le dis aujourd'hui, d'énormes révélations. Vous verrez en suivant. Et je salue également donc les propos du général Diayara qui a parlé juste avant moi. Nous allons bientôt nous rencontrer et travailler ensemble par rapport à cette investigation. Voilà de quoi traite Afrique Média, et voilà les sujets que pourront traiter peut-être dans le futur un nouvel article dans le New York Times ou BFM TV. Merci à tous. À vous également, cher Adrien. On va retrouver Tarek Mami qui nous a rejoint, qui est de retour après avoir pris quelques forces, cher Tarek. On le sait, les États-Unis ne sont pas souvent très intéressés par ce qui se dit par les médias francophones, qui plus est sur le continent africain. Mais cette fois-ci, est-ce qu'on peut, au vu de toute l'actualité couverte par Afrique Média depuis des mois, plus précisément dans le cadre de l'opération spéciale de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine lancée par Vladimir Poutine, au vu de la posture d'Afrique Média dans le traitement de l'information entourant cette opération-là, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui vaut à Afrique Média le fait d'être traqué et pourchassé par les médias américains? Alors, bonsoir et merci de me redonner la parole. Effectivement, j'ai pris quelques forces pour revenir pour cette deuxième partie qui m'intéresse d'une manière particulière. Et pourquoi elle m'intéresse? Moi, je suis journaliste. J'ai pour habitude de faire des analyses. Je ne suis pas un reporter de terrain, comme notre ami. Je suis plutôt journaliste d'analyse, notamment politique. Et donc, je regarde la presse, je lis tous les jours la presse mondiale, en français, en arabe, un peu en anglais, parce que chaque fois qu'il y a, par exemple, je suis aujourd'hui au quotidien, ce qui se passe à Bakhmout, et tous les jours, je vois les trois versions, et je vois, par exemple, comment les Américains traitent, mais surtout comment les Anglais traitent la question. Et ce qui m'intéresse dans cet article, c'est deux choses. La première, c'est que quand le New York Times commence à parler donc d'Afrique Média, ça veut dire qu'Afrique Média est en train de produire un phénomène nouveau ou rare qui avait été créé dans le monde arabe et pour la langue arabe il y a longtemps par Al Jazeera, qui a après tourné kazakh sur la ligne éditoriale, mais aujourd'hui elle est produite par la télévision qui s'appelle Mayadin, c'est-à-dire les scènes, les places. Et aujourd'hui, donc, Africa Media, en langue française, arrive sur ce terrain, non pas d'investigation, mais d'une chose qu'on a oubliée en Occident. C'est la liberté d'expression, la liberté de réflexion et la liberté de développement des idées des uns et des autres. Moi, quand votre direction me demande d'intervenir, elle ne me dit pas « Bonsoir, monsieur Mamie, voilà le sujet du jour et voilà la ligne éditoriale dans laquelle vous devez vous retrouver pour pouvoir être à l'antenne. » Non, on me dit « Bonsoir, monsieur Mamie, voilà le sujet du jour et vous nous dites ce que vous en pensez. » Et ça, ça dérange. Ça dérange pourquoi? Parce qu'en Occident en général et en France en particulier, pays dans lequel je vis et auquel j'appartiens, les médias sont aujourd'hui, les grands médias qu'on appelle les médias mainstream, appartiennent à une dizaine de milliardaires français. Ces propriétaires de médias s'occupent des médias pour deux choses. La première, c'est pour servir l'intérêt de leur business en général. Et la deuxième, c'est pour peser pour qu'il y ait des sujets qui ne passent pas. Un petit exemple qui va nous expliquer pourquoi aujourd'hui votre chaîne peut être admirée, c'est que quand M. Bolloré, que vous connaissez très bien en Afrique, va acheter donc le groupe Canal+, l'une des premières décisions qu'il va prendre, c'est de supprimer les guignols de l'info. Or, c'est quoi les guignols de l'info en France pendant 20 ans? Les guignols de l'info, ce sont des journalistes qui traitent l'actualité avec humour en apparence, mais qui font de l'analyse politique profonde sur les dérives du système français. Et à partir du moment où vous arrivez sur une télévision comme celle-là et que vous supprimez ces guignols de la foule, c'est-à-dire vous envoyez le message que vous supprimez la liberté de la critique dans le média. Et aujourd'hui, donc, votre chaîne, encore une fois, je crois qu'il faut la répéter 4, 5, 10 fois pendant cette émission Africa Média pour que ça rentre bien dans la tête de ceux qui par hasard passent ce soir ou une autre fois devant la télé, donne une liberté de temps qu'on a connue en Occident après la Deuxième Guerre mondiale et qui a commencé à se filocher à peu près à partir, notre ami Ismaïl Taïfour tout à l'heure a parlé donc des attentats des deux tours jumelles, et à partir de ce moment-là, les Américains ont repris en main les médias. Et je vous rappelle que quand ils ont fait la guerre en Irak, ils ont inventé ce qu'on appelle les journalistes embedded, c'est-à-dire les journalistes qui vivent avec les soldats et qui couchent dans les mêmes banques et dans les mêmes endroits que les militaires. Et quand vous passez toute votre journée du côté de vos militaires, de votre pays ou d'un autre pays, vous finissez par avoir de l'empathie, de la sympathie, de l'amitié. Et quand vous voyez un soldat commettre quelque chose que vous devriez dénoncer comme journaliste, ben vous ne le faites pas parce que vous êtes en lien d'amitié. Et ce que fait aujourd'hui votre télévision panafricaine, c'est qu'elle rentre en sympathie les gens qui parlent. Moi j'habite à Paris, Taïfour à Paris, notre ami doit habiter au Cameroun, l'autre il est en Ukraine, et donc nous sommes des individus libres, comme on dit en France, qui venons donner nos points de vue, alors que nous ne connaissons pas. Et il se trouve que petit à petit, nos points de vue se rejoignent, au moins dans l'analyse. Elles se rejoignent sur quoi? C'est que la vérité, il n'y a pas de vérité avec un seul E. Il y a de vérité avec un S. Chacun de nous a sa vérité, chacun de nous a son analyse, et donc vous venez donner ces vérités avec S à l'antenne. Et en mettant ces vérités avec S, vous gênez ceux qui, en France aujourd'hui, en Occident, aux États-Unis, ont une vérité avec un seul E, donc une vérité. Et quand vous voulez imposer une vérité et qu'en face de vous, il y a d'autres qui viennent apporter plusieurs vérités, ben leur vérité à eux ne tient plus la route. Excusez-moi d'utiliser le mot vérité à plusieurs reprises. Parce qu'il n'y a pas de vérité, il y a des infos. Il y a des informations coupées, il y a des informations vérifiées, et il y a des informations propagandes. Et quand, moi je lis souvent le matin et je m'arrête généralement au bout de 10 minutes, je prends une information sur n'importe quel sujet, je fais les 4-5 journaux français avec l'AFP, et c'est la même formulation. Et j'ai même dit un jour que vous, si vous avez une faute de frappe, ben vous le trouvez dans tous les articles. Et si quelqu'un écrit que le Mali a eu son indépendance en 1992, et que vous trouvez ce paragraphe dans un article, vous allez le trouver dans tous les autres articles. Parce que les journalistes en France, j'en fais partie et j'essaie de ne pas en être non plus, on est devenu des clones. On reproduit. Vous inventez un phénomène en France. Vous prenez n'importe quelle chaîne dite des informations, continuez, nous en avons quatre. On invite, par extraordinaire, Junior, un soir, et on dit, Junior, vous êtes journaliste, mais comment voyons? Et bien, dans les 3 jours, les trois autres télévisions ne vont avoir de cesse que de vous avoir. Parce que nous ne sommes plus dans la presse, nous sommes dans le mimétisme. Et cet article est un bonheur pour vous, pour Africa, pour la télévision panafricaine. C'est un bonheur parce que, en fait, en voulant vous critiquer, on vous rend hommage. Et on vous rend hommage, d'autant plus que l'article est écrit en anglais, et que les journalistes américains, qui eux ont encore plusieurs, j'allais dire, distances d'indépendance quand même dans les analyses, les meilleures analyses sur la guerre d'Ukraine, elles ne sont pas en français, elles ne sont pas en allemand. Elles sont en anglais américain, dans les journaux américains, parce qu'ils ont encore une marge de cette liberté qui n'existe plus. Et donc, quand un journal comme le New York Times couvre votre activité, ça va pousser les autres journalistes, en tout cas ceux qui comprennent la langue française, à venir vous écouter pour voir qu'est-ce qu'on vous reproche. Et on voit secrètement admirer le travail que vous faites. Parce que le travail que vous faites est un travail de pédagogie multivisionnaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des gens qui ont des cultures différentes, qui ont des religions différentes, qui viennent de pays différents, qui ont des trajectoires différentes, qui se retrouvent sur votre antenne. Et donc, ceux qui croient qu'en faisant cet article pour dire comment Poutine a mis la main sur donc, la télévision panafricaine, ben, ils vous rendent service contrairement à ce qu'ils pensent. Et les gens, en général, moi je l'ai dit pour la religion par exemple, il suffit que la religion interdise quelque chose pour que les gens veulent essayer de l'exercer, de la pratiquer, de la tester. Et donc, il suffit que le New York Times nous dise « ça c'est une télévision d'horreur, il faut pas l'avoir, et vous allez avoir le nombre de vos téléspectateurs, donc progresser, exploser. Pourquoi? Parce que nous sommes tous, quand on est normaux, entre guillemets, anticonformistes un petit peu. Et donc, quand on nous dit il ne faut pas faire ça, on a envie de tester pour le faire. Et vous devriez plutôt envoyer une corbeille de fruits, une corbeille de fleurs au rédacteur de ce journal, donc en tout cas à l'article du journal, pour le remercier pour vous avoir donné, j'allais dire, une visibilité internationale que peut-être, avec modestie, vous n'aviez pas jusqu'aujourd'hui, et qu'il va, j'allais dire, participer à une visibilité beaucoup plus grande, même pour ceux qui ne comprennent pas la langue française. Donc, j'ai dit à Jérôme tout à l'heure, je dis à tous les téléspectateurs et téléspectatrices ici, il ne faut pas avoir peur de cet article, il ne faut pas avoir de l'acronymie contre ce journal, au contraire, il faut lui envoyer un mot de félicitations, parce qu'en fait, malgré lui, il met en valeur le travail que vous pratiquez. Et je dirais, oh que dommage, c'est dans tous les pays africains, c'est dans tous les pays arabes, c'est dans tous les pays asiatiques, on pouvait avoir une chaîne comme la vôtre, qui n'est pas une chaîne d'État, qui n'est pas une chaîne donc manifestement qui roule pour telle ligne, mais qui donne la parole. Dernière chose, et j'en terminerai là sur la liberté d'expression, vous savez très bien que toute l'Europe, sans passer par les autorités de régulation, en France ça s'appelle le CSA ou l'ARCOM, en Belgique ça s'appelle le CSA, sans passer par les autorités qui régulent les médias, on a pris une décision politique de fermer RT France et Sputnik France. Et quelques semaines après, ou deux mois après, il y a le Mali, et tout le monde en Occident a trouvé ça très bien. Ces deux chaînes roulent pour un dictateur, ces deux chaînes sont des chaînes d'État, on les ferme et c'est très bien. Et quand deux mois après, le Mali a décidé d'arrêter la diffusion de RFI, la radio nationale française de l'État français, qu'il y a de bons programmes, pas de bons programmes, c'est pas la question, la France, y compris son président, ont dénoncé l'arrêt et la suppression de la liberté d'expression en Afrique à travers RFI. On appelle ça le double standard, on appelle ça le deux poids deux mesures, et il faut aujourd'hui que le New York Times, que l'Occident, que l'Orient, que la Chine, que la Russie comprennent aujourd'hui que les hommes sont tous libres et égaux en droit et de plus en plus dans les faits, et que vous ne pouvez pas, et j'en terminerai là, vouloir appliquer votre vision à vous du monde à tous les autres, et protester et dénoncer le fait que d'autres ne partagent pas votre point de vue. Il y a un livre qui vient de sortir dernièrement, qui doit s'intituler, je chercherai tout à l'heure, peut-être que je l'enverrai à Jérôme, qui est le titre du livre, vous pouvez taper donc sur les moteurs de recherche, qui dit « Ils ne pensent pas comme nous ». Sauf que, pour nous, « Ils ne pensent pas comme nous » est une qualité, et pour d'autres, « Ils ne pensent pas comme nous » devient un défaut. Comme le dit George Bush père, ceux qui sont pas contre nous, ceux qui sont pas avec nous sont contre nous. Et donc, je suppose que votre chaîne panafricaine est vue aux États-Unis par le New York Times comme une chaîne qui ne voit pas comme eux, qui n'est pas avec eux, donc elle ne peut être forcément que contre eux. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour cette autre intervention, Tarek Mami. On va vous retrouver, cher Taifour Smaïn, pour revenir un peu sur ces images-là, pour continuer de parler de cette thématique dans le morceau choisi par BFM TV il y a quelques mois. On présentait la quasi-totalité, en quelque sorte, des journalistes de la télévision panafricaine. Quelques-uns de nos programmes également avaient été présentés par BFM TV, mais cette fois-ci, le New York Times a choisi une photo particulière. Elle aurait pu choisir une photo qui montre le logo de la télévision panafricaine ou bien une photo qui montre peut-être, pourquoi pas, un journaliste d'Afrique Média. Mais le New York Times a choisi une photo montrant le président de la République du Cameroun. Si pour Afrique Média, c'est bien sûr un coup de publicité énorme, tel que le disait Adrien et Tariq il y a quelques instants. Est-ce que pour l'État du Cameroun, cet article et cette photo choisie précisément peuvent être perçus en quelque sorte comme une menace? Comme une menace, je ne crois pas, mon cher Junior. Mais par contre, il ne faudrait pas se focaliser sur les détails pour expliquer un événement de cette taille. Si même si on a mis, donc on exerce la photo de Paul Biya, je suis désolé de le dire ainsi, même si en France, on dit ici et là que c'est Paul Biya qui est derrière la chaîne panafricaine, donc l'Afrique Média en l'occurrence. Mais non, je ne pense pas qu'il faudrait s'inquiéter outre mesure. Là où ça devient intéressant donc, pour la chaîne, c'est que cette chaîne, donc, la panique, a quasiment donc, traversé les océans donc, outre-Atlantique. La panique, on le voit bien, donc, de par les programmes d'Afrique Média qui deviennent de plus en plus pertinents, et on voit bien qu'ils donnent la parole pratiquement à des personnes venant de différentes cultures, différents horizons, comme nous autres, donc en l'occurrence. Et je pense aussi que les médias, donc pour résumer un peu une petite histoire, enfin petite leçon de journalisme, c'est le quatrième pouvoir. Et qui dit quatrième pouvoir par analogie aux trois pouvoirs connus, c'est-à-dire que les médias ont un impact sur la conscience des gens. Aussi, parce que l'Afrique Média aujourd'hui, elle touche les cœurs, elle touche les consciences, et elle est en train de porter l'étendard de la liberté et l'étendard de l'émancipation du continent africain. Chose qui était très chère à Muammar Kadhafi, qui voulait justement en finir avec la tutelle occidentale sur le continent, et on connaît la suite de ce qui s'est passé pour cet homme malheureusement. Aujourd'hui, l'information qui était jusqu'à un passé très récent pilotée et même, on va dire, domestiquée, monopolisée par l'Occident, aujourd'hui, cette information est en train de leur échapper des mains, sachant que les Occidentaux, de manière générale, là, c'est pas une critique, c'est un constat, ils ont une vision très ethnocentriste des événements et de l'information en règle générale. Maintenant, Afrique Média, qu'est-ce qu'elle propose? C'est un autre regard sur l'information, c'est un autre regard sur le monde. Aujourd'hui, Afrique Média, avec, comme disait tout à l'heure mon confrère Tariq Mami, avec Mayadine au Liban, qui est pratiquement dans le même registre que vous, c'est-à-dire c'est une chaîne, on va dire, thématique, qui aborde tous les sujets qui touchent les pays du tiers-monde, ou les pays qui en sont en voie de développement, et les pays qui sont laissés pour compte, comme la Palestine par exemple, les conflits qui sont donc oubliés, qu'on essaye de taire par la force de l'information et la force de l'argent, et l'information fausse, bien entendu. Alors maintenant, pourquoi les Occidentaux s'inquiète, et maintenant, il ne s'agit pas de la France. BFM, c'est une chaîne qui n'est pas si, on va dire, même si elle est importante au plan de l'audimat, mais ce n'est pas une chaîne qui soit pertinente. Il y a beaucoup de Français que je connais, certains de mes confrères d'ailleurs, qui trouvent que c'est vraiment de l'information poubelle. C'est des informations qui sont quasiment donc, à la sorte des cartels de l'argent. Tariq Mami vient de le dire. Le journalisme ici en France, qui était à un moment donné jusqu'à pratiquement, on va dire, au Rennes ou Chirac, ici, les médias, ils étaient quasiment indépendants, on pouvait débattre de tout, on pouvait discuter de tout. Aujourd'hui, malheureusement, en France, c'est la pensée dominante. Si vous n'êtes pas contre nous, vous êtes contre nous, comme avait dit Tariq Mami, parce que cette parole, enfin cette maxime, elle est d'inspiration chrétienne, je crois que c'est Saint Paul qui avait dit ça. Lénine avait repris, donc, cette maxime à son compte, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre eux. Alors, les Occidentaux aujourd'hui, ils sont en train de réaliser ce qu'on appelle que le monopole du monde, que ce soit le monopole financier, économique, informationnel, est en train de leur échapper. Et c'est ça qui dérange. C'est la raison pour laquelle le New York Times s'est saisi du dossier pour tirer la sonnette d'alarme. Mais moi, à mon avis, il faudrait beaucoup plus que le New York Times s'inquiète beaucoup plus sur la qualité de l'information, parce que au début des années du dernier siècle, il y avait ce qu'on appelle le journalisme jaune, C'est-à-dire, c'était un journalisme de basse qualité, où on relayait tout et rien. Ça, c'était ce qu'on appelait vulgairement la rubrique des chiens écrasés. Aujourd'hui, ici, en Occident, notamment ici en France, on est beaucoup plus de ce qu'on appelle le journalisme doctrinaire. Et le journalisme doctrinaire, qu'est-ce qu'il prévoit et qu'est-ce qu'il préconise et qu'est-ce qu'il prêche au journalisme? Il prêche à ce que vous adhérez à une idée qui est poussée par le pouvoir politique. Et c'est ça qui fait justement dégâts au sein de la société. Maintenant, ici en France, vous avez des élites qui sont contre la guerre en Ukraine, par exemple, et qui sont quasiment contre la position de la France dans ce pays-là. Il privilégie beaucoup plus ce qu'on appelle la voie diplomatique, ce que la France a malheureusement abandonné. Il y aurait eu peut-être Chirac, il l'aurait fait. Je parle souvent de Chirac, je suis désolé de le dire, c'est le dernier Mohican, c'est le dernier des grands présidents que la France a connu. Donc maintenant, si on devait parler en termes clairs et objectifs, il faudrait que l'Afrique Média, justement, se saisisse de cette opportunité pour développer ses programmes dédié justement à l'information internationale, avec objectivité, comme ils le font. Parce que même si des fois, bon, il est vrai qu'on nous donne la libre et totale donc, expression, il est vrai qu'on parle, mais des fois, il est vrai qu'il y a des informations qui dérangent pas ce qu'on appelle la faiblesse de la qualité de l'information. Quand les informations ne sont pas traitées à la source, ne sont pas vérifiées, il est vrai que ça pose un problème d'éthique au plan journalistique. Mais sur l'ensemble de votre chaîne, Afrique Média, il est vrai que c'est une chaîne qui commence à prendre de l'ampleur, et j'en suis ravi d'ailleurs, et je suis toujours content d'être parmi vous. Voilà. Merci à vous, cher ami Tarek Taifour Smaïn. On va rappeler aux téléspectateurs que le standard est donc déjà désormais ouvert pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent participer à cette édition de Face à l'actualité. Il vous suffit de composer l'un des numéros qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous serez alors reçu à notre standard, tout en rappelant que les numéros qui sont affichés, c'est uniquement pour les appels WhatsApp et pas les appels normaux, uniquement les appels WhatsApp. Et une fois que vous êtes reçu au standard de la télévision panafricaine, vous devez automatiquement baisser tout d'abord le volume de votre poste récepteur avant d'apporter votre contribution. On reste au standard avec ce téléspectateur qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. C'est notre ami Thomas Lee qui nous a rejoint, le premier téléspectateur de la soirée. Bonsoir et bienvenue, cher ami. Cher frère, moi aussi très content. Je suis très content de t'avoir sur le plateau. Merci, cher frère. Je suis vraiment content de te voir sur le plateau aujourd'hui parce que j'étais vraiment inquiet de ton départ. Je me disais que oui, tu avais quitté cette grande chaîne. Mais heureusement que tu es là. Dieu merci. Et je voulais venir sur le thème. Moi, je pense que les Blancs ont commencé à comprendre que les Africains commençaient à se réveiller. Et ça les dérange énormément. Ça les dérange. C'est une honte pour la grande Amérique. On avait peur. La grande Amérique que tout le monde craignait, la grande Amérique que tout le monde disait, ça c'est l'Amérique. Aujourd'hui, il faut voir cette Amérique-là qui fait des bêtises. C'est un clair honteux. Mais tout ça, c'est à cause de Poutine. Ils ont peur, c'est à cause de Poutine parce que Poutine va prendre l'Afrique. Poutine est là, à la porte de l'Afrique. Donc tout ça, ça leur fait peur. Je pense que Afrique Média doit se réveiller, ne pas s'inquiéter. On est avec vous, les esprits de nos ancêtres. Les esprits de nos ancêtres vous ont inspiré pour créer cette chaîne. Donc, merci beaucoup. N'ayez pas peur, les Américains, c'est des doublards. Tout ça, c'est des doublards. C'est pour nous effrayer. Ce n'est à rien. Merci, mon frère Boafo. Ça fait longtemps. Je suis vraiment heureux de te voir sur la chaîne. Je pensais que tu avais quitté, mais Dieu merci, je te vois ici très heureux. Merci au DG d'Afrique Média. Merci à tous les palinistes. Merci, cher frère. Merci. Merci à vous également. Cher ami Thomas Lee, de nous avoir apporté votre contribution. On reste au standard avec cet autre téléspectateur qui nous appelle du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Allô. Bonsoir. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, baissez le volume de votre poste récepteur. Bonsoir. Moi je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, par rapport Eh bien, on a quelques soucis avec ce téléspectateur. On va rappeler les modalités tout de même pour éviter tous les désagréments que l'on vient de subir. Chers téléspectateurs, une fois que vous êtes reçu au standard, vous devez automatiquement baisser le volume de votre poste récepteur et parler sans chercher à vous réécouter pour permettre à tous ceux qui nous suivent actuellement de saisir la quintessence du message que vous souhaitez porter. Nous sommes donc au standard avec cet autre téléspectateur qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allô? Allô? Eh bien, un autre souci avec cet appelant de la Côte d'Ivoire. On va rester au standard pour continuer de retrouver nos téléspectateurs. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Allô, bonsoir, monsieur Gilles Wafou. Je voudrais d'abord féliciter, moi c'est M. Yao Emile, je voudrais d'abord féliciter ce média qui fait un très beau travail pour l'Afrique et pour le relais de l'information dans le monde entier, la vraie information. En fait, les États-Unis sont inquiets parce que jadis ils nous avaient dupés sur toute l'histoire de l'ordre international qui était un désordre en fait. Et aujourd'hui, Afrique Média est là pour les mettre un peu, les ramener un peu au pas, en fait. Pour leur dire que tout ce que vous nous disiez que c'était la vérité, c'est du mensonge pur. Donc, ils s'inquiètent. Africa numéro 1 est tombée, Afrique Média est née, et on n'arrive pas à comprendre Afrique Média dans ses informations, dans ses analyses, des vraies analyses, bien sûr, et la libre expression dans les appels sur le plateau. Donc vous voyez tout ça là, ça les fait mal. Ils sont troublés en fait, ils sont en perte de vitesse. Et pour cela, il faut diaboliser cette chaîne et diaboliser le président du Cameroun qui permet depuis là encore que cette chaîne est née dans son pays pour ne pas couper là. Alors que dans l'Est, ouais, c'était que cette chaîne soit coupée, voilà, pour ne plus que ça existe. C'est leur seul souhait. Donc nous vous encourageons, nous avons un grand merci pour le travail que vous faites, pour le bonheur du monde, pas pour l'Afrique, hein, pour le monde. Voilà, parce que vous êtes très suivi. Merci. Merci. Merci à vous également, cher monsieur, d'avoir apporté votre contribution. On va toujours rester au standard pour retrouver ceux de nos téléspectateurs qui étaient en train de patienter pour également apporter leur contribution, toujours en rappelant quelques modalités pratiques. Une fois que vous êtes reçu au standard, vous devez automatiquement baisser le volume de votre poste récepteur pour une meilleure qualité d'écoute. Nous sommes au standard avec ce téléspectateur du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous écoutons. Ouais, je m'appelle Emmanuel. Bonsoir, monsieur Emmanuel. Oui, moi je suis en train de dire seulement pour la photo du président Paul Biya. C'est d'une manière de mettre la pression sur le président afin de saisir sa fille média. Mais ils ont raté les cibles. Parce que je suis convaincu que le président pour le sein panafricaniste et soutient de vous, de votre travail. Merci beaucoup. Monsieur Emmanuel, d'avoir tenu à apporter votre contribution. On va continuer de rester au standard pour vous retrouver, chers téléspectateurs, toujours en rappelant que les numéros qui sont affichés au bas de votre petit écran, c'est uniquement pour les appels WhatsApp. Il ne sert à rien de faire des appels normaux. Vous ne serez pas reçu uniquement pour les appels WhatsApp. Nous sommes au standard avec cet autre téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Allô? Vous êtes en direct, monsieur, nous vous écoutons. Allô? Bonsoir, Junior. Vive Paul Biya. Vous voyez ce qui se passe dans le monde? Vive Paul Biya. Les Américains sont fébriles. Tout ce qu'ils ont fait dans le monde, là, ça les a rattrapés. Les mensonges, les tueries, les vols, ça les rattrape. C'est l'art de la parole. La parole est plus forte que les bombes. Les bombes qu'ils ont, là, la parole est plus forte que ces bombes-là. Nous, on a la parole, ils ont des bombes et on les domine. La parole est plus forte que les bombes qu'ils ont pour détruire le monde, pour tuer des innocents. Nous, on a l'art de la parole. Et cette parole domine ces gens, ces assassins. Junior, vive Paul Biya, vive Afrique Média. Dieu vous encourage dans votre travail. Continuez. Soyez forts tous les Africains, pour combattre tous ces ennemis. Que Dieu nous garde. J'en ai fini. Merci, merci à vous pour cette autre contribution. On va continuer de rester au standard pour retrouver les téléspectateurs qui ont appelé pendant que le dernier était en ligne. Les appels, c'est uniquement les appels WhatsApp. On ne va pas cesser de le rappeler. Et une fois que vous êtes reçu, vous devez automatiquement baisser le volume de votre poste récepteur pour une meilleure qualité d'écoute. Nous sommes au standard avec cet autre téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Junior Wafo. J'appelle depuis la ville de Bakoussam. Il est fait. Oui, monsieur Junior Wafo. Nous devrions maintenant être en joie, monsieur Junior Wafo, puisque tout ce que Afrique Média a pu réaliser a prouvé que le travail que vous menez est vraiment très efficace. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le monde, ou bien la guerre de demain, c'est la guerre de la communication. Et Afrique Média a su vraiment vous frapper pour pouvoir monter en puissance. Je viens ici féliciter tout ce travail titanesque qu'Afrique Média a déployé toutes ces dernières années, toutes ces 10 dernières années, pour pouvoir permettre à l'Afrique de se libérer. Alors ceci est d'autant plus nécessaire que nous devons comprendre que la communication, elle est plus dangereuse que la vers ces médias, cette communication depuis la nuit des temps, depuis les années, nous savons qu'à travers la communication, beaucoup de présidents d'Afrique sont partis à cause de la communication que RFI France 24 et d'autres chaînes passaient le temps à porter sous nos présidents. Et c'est d'autant plus. Vous vous rappelez même la entrée en étude à cause d'Afrique. Une perte du terrain depuis qu'Afrique Média a commencé. C'est un an. Alors, nous devons nous réjouir de cette chaîne. La chaîne au monde est Junior Afrique. C'est l'unique chaîne qui permet aux téléspectateurs de pouvoir intervenir. Les autres télévisions, quand ils font trop, ils vous demandent que vous pouvez intervenir. Ils vont et ils arrivent sur les plateaux. Mais la liberté d'expression, la vraie liberté d'expression, c'est Afrique Média. C'est Afrique Média. De connexion avec notre ami Hilaire qui nous appelait de la ville de Bafoussam. On espère qu'on le rejoindra pour d'autres émissions. On reste au standard avec cet autre téléspectateur qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, bonsoir Monsieur Julien Wafo et bonsoir Afrique Médiane. Et vous avez tous nos encouragements par rapport à la lutte que vous menez pour l'éveil des consciences africaines. Aujourd'hui, la bipolarisation du monde laisse le choix aux pays africains de suivre la trajectoire qu'ils veulent quant à la France-Afrique, et nous n'avons pas à nous plaindre demain si nous continuons à être des esclaves de cette France-Afrique. La Russie, par cette ouverture dans le domaine des alliances et du partenariat, nous permet de pouvoir, n'est-ce pas, nous orienter ailleurs pour mieux nous organiser et mieux manifester notre indépendance. Je pense que les pays africains doivent prendre conscience de cet état de fait. Les pays africains doivent s'orienter vers ce qui est avantageux pour eux, et nous continuerons, n'est-ce pas, cette lutte pour la souveraineté de nos États africains. Afrique Média, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci, merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir tenu à apporter votre contribution. On va rester au standard pour retrouver les derniers téléspectateurs que nous allons prendre ce soir pour cette édition de Face à l'actualité. On est au standard avec ce téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô. Allô? Eh bien, des soucis de connexion avec ce téléspectateur. On va tout de même continuer à rester au standard pour retrouver ceux d'entre vous qui souhaitent participer à cette édition de Face à l'actualité. On est au standard avec ce téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Allô? Vous êtes en direct, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, ici c'est Chemo Drago. Oui, ici c'est Chemo Drago. Je vous appelle de l'Allemagne. Et j'aimerais dire seulement Afrique Média, merci beaucoup Afrique Média, merci que vous êtes là. Et en tout cas, je suis vraiment heureux et je vous écoute chaque jour et je vous attends très bien. Et nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup Afrique Média et bonne soirée. Bonne soirée à vous également, monsieur Drago. Si mon nouille a été bonne, on va rester tout de même au standard pour retrouver ceux d'entre vous qui souhaitent continuer à participer à cette édition de Face à l'actualité, toujours en rappelant les modalités pratiques. Une fois que vous êtes reçu au standard de la télévision panafricaine, vous devez automatiquement baisser le volume de votre poste récepteur pour une meilleure qualité d'écoute. Et pour ceux qui s'interrogent sur comment faire pour continuer de suivre nos programmes, si on n'est pas à la maison, si on n'a pas un téléviseur à proximité, il vous suffit juste d'aller sur Play Store ou App Store et télécharger l'application officielle d'Afrique Média. Vous pourrez, par le biais de cette application, avoir accès à tous les programmes que nous diffusons sur nos antennes. Nous sommes au standard avec ce téléspectateur. On va malheureusement refuser son appel en rappelant que si les appels sont uniquement les appels WhatsApp, c'est uniquement les appels audio, pas d'appel vidéo. On est au standard avec cet autre téléspectateur du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Allô? Vous êtes en direct, monsieur, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Je suis bienvenue depuis une grande région. J'aimerais participer à propos du thème sur les États-Unis et la polémique sur Afrique Média. Bon, je te dis que chaque fois qu'on voit les chaînes comme France 24 ou alors aucun média occidentaux, nous suivons que des mensonges à longueur de journée. C'est comment dire ça, ce qui dérange. On ne peut pas comprendre un tel acharnement contre une chaîne qui dit que la vérité. Donc, j'aimerais aussi saluer vos émissions, puisque la régale chaque jour et vous souhaitez plein de courage. Bonne soirée. Également, chers téléspectateurs, de nous appeler de la ville de Ngaoundéré, c'est au Cameroun. On est au standard avec cet autre téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, allô? Vous êtes en direct, monsieur, nous vous écoutons. Oui, merci. Oui, allô? Merci. Oui, j'appelle du Bénin. Et je suis Kokorola. Parlez voilà. Sans chercher à vous réécouter, monsieur. Très bien. Eh bien, beaucoup de soucis avec les téléspectateurs de ce soir. Une fois que vous êtes reçu au standard, chers téléspectateurs, on va continuer de le rappeler tout de même, la répétition étant la mère des sciences. Une fois que vous êtes reçu, vous devez automatiquement baisser le volume de votre poste récepteur avant d'apporter votre contribution. Parlez sans chercher à vous réécouter. Nous sommes au standard avec cet autre téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, vous êtes en direct, nous écoutons. Ok, je suis la casse Bengali au Mali. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur Bengali, et vous-même? Ah, très bien, je vais très bien. Bonsoir à tous les panels. Bravo à mon chef d'État, monsieur Paul Biya. J'ai l'habitude de dire celui de la même chaîne. On avait que des gouvernants, mais lui, il n'en est pas. Et vraiment, le panel, depuis d'hier, ici et autres, bon, depuis la créature, je suis exceptionnel. Donc, du courage et bonne continuité à vous. Les Américains, ils ont des pains sur la planche maintenant, bon, donc ils ne peuvent plus rien. L'Afrique deviendra comme les ancêtres l'ont voulu. Bon, donc, bonne continuité à vous et que Dieu vous protège. Merci, merci à vous également, chers messieurs. On va rester au standard pour prendre le dernier téléspectateur de cette soirée. Nous sommes au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô? Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Allô? Vous êtes en direct. Ok, bonsoir Afrique Media. C'est Mohamed Dunion depuis Bamako. Et j'aimerais un peu intervenir sur la publication de New York Times. J'ai écouté les intervenants et je tiens aussi à préciser, ça fait des années, on regarde Afrique Media et c'est une chaîne qui nous apporte beaucoup et qui intéresse aussi le monde entier. Et le fait que New York Times intervient là-dessus, c'est bien. Ça permet aussi encore à d'autres personnes d'aller regarder Afrique Media, qu'est-ce que New York Times a dit, et si c'est vrai. Donc, c'est bien. C'est une très bonne chose. Et moi, je ne peux que vous remercier, vous encourager et de continuer encore. Parce que ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler encore. Il faut travailler encore beaucoup de plus et mettre les Africains à nous donner des bonnes informations, comme toujours. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée à vous. Merci, merci à vous également, cher monsieur. Retournons sur le plateau avec nos invités pour continuer de parler de cette thématique, mais on a un dernier téléspectateur qui a insisté. Il a insisté pour participer à cette édition. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Timilia. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Oh, je vous appelle depuis au Congo, ben, le bazar. C'est Youssouf Adebayo. Allô? Allez-y, monsieur, nous vous écoutons. Vraiment, merci, merci. Merci beaucoup, vraiment, Afrique Media. Bonsoir. Allô?

et leur opinion peut-être prendra le soin de découvrir Afrique Média, qui doit bien sûr prendre le soin de multiplier, de diffuser dorénavant dans plusieurs langues. Il faut aller au-delà des langues habituelles. Et c'est de cela qu'il est question. Bientôt, il faut se lancer, bien sûr, dans la conquête, bien sûr, de l'espace mondial. C'est de cela qu'il est question. C'est une guerre de communication déclenchée par l'Occident et aujourd'hui qui est en train de retourner contre l'Occident. Il en est de même comme toutes les sanctions qu'ils ont décidées contre les autres peuples et aujourd'hui les sanctions qui sont en train de retourner contre eux. C'est comme ça, ce sont des gens qui réfléchissent mal, des gens qui calculent mal, des gens qui prennent leur propre peuple en otage. Donc, ils n'ont pas, depuis, ça fait des siècles, qu'ils sont dans ça, ce sont les mêmes, les descendants de ceux qui ont été esclavagistes, de ceux qui sont des colons, ce sont les mêmes qui continuent, bien sûr, de prendre des états en otage, et ce sont des cannibales, ce sont des vampires. À nous autres, d'essayer de nous défendre, à nous autres, de ne pas accepter d'être de la chair pour ces gens, à nous autres, de ne pas accepter que notre sang profite à ces cannibales, à nous autres, bien sûr, d'envoyer ces cannibales d'une autre époque manger de la paille, bien sûr, brouter de l'herbe, et bien sûr, et il faut les faire disparaître tout simplement. C'est la guerre, M. Junior Wafo, et dans la guerre, on ne pleurniche pas, on ne pleure pas, on ne s'apitoie pas sur son sort. Quand on vous donne un coup de pied, il faut savoir répondre par trois vaillants coups de pied. Je vous remercie. Issa Diawara, Adrien Bouquet, on a coutume de dire que il faut pas donner le bâton pour se faire fouetter, mais c'est un véritable coup de projecteur que donne le New York Times, la télévision panafricaine. Est-ce que, pour parler de stratégie, c'est une erreur stratégique que d'offrir une telle lumière à Afrique Média? Je ne pense pas. Vous savez, les médias, des fois, ne réfléchissent pas très bien. Ils font des erreurs partout. Je voudrais quand même signaler que les propos ont quand même été extrêmement bien réfléchis. Les propos sont assez courts. Moi, je pense sincèrement qu'ils n'ont pas vraiment voulu, entre guillemets, faire de la pub à Afrique Média, mais par la force des choses, on va dire, votre développement extrêmement rapide et international, ils n'ont pas eu le choix. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que Afrique Média a fait un tel bruit et regardé dans le monde entier, que ce soit par les étrangers ou les panafricains, malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu le choix que de traiter ce sujet. Et je pense que c'est un très bon signe pour l'avenir. Vous verrez que d'autres médias suivront. Tant que Afrique Média continue de se développer de cette manière, tant que Afrique Média continue de montrer cette face cachée, hein, on va se le dire clairement, c'est une face cachée. Vous avez pris l'exemple de la France tout à l'heure, le général a très très bien parlé, et je remercie pour ce petit clin d'œil envers moi. Mais effectivement, je vais vous donner un exemple pour rappeler aux téléspectateurs. Moi-même, hein, je suis allé en Ukraine. Quand je suis rentré en France, je suis passé sur tous les médias français. BFM TV, LCI, etc., etc. Tous les gros médias, je suis passé en direct sur le plateau. Et effectivement, il y avait des lignes directrices. Je vais vous donner un exemple de BFM TV que je vous avais déjà précisé. Quand je suis allé sur leur plateau, pendant la pub, on m'a demandé de me taire. Les présentateurs et d'autres personnes qui étaient à côté de la régie m'ont demandé d'arrêter de parler de certaines choses, etc. J'ai refusé. Et vous savez quoi? J'ai été sorti du plateau avant l'heure qui était prévue. Il y avait d'ailleurs un autre général qui rentrait sur le plateau et je devais rester avec lui pour discuter. Et ben non, je me suis fait virer, expulser donc du média BFM sur le plateau pour ne pas continuer en fait à développer ce que j'avais à dire. Et effectivement, pour rappeler aux téléspectateurs, je suis l'un des reporters de guerre à avoir énormément subi. Je le rappelle très rapidement, je suis rentré au mois de juillet pour dénoncer les armes françaises qui sont utilisées par l'armée ukrainienne pour tuer des civils. Quand je suis rentré donc en France, j'ai été piégé. Ce piège m'a valu une arrestation par la BRI, donc les forces d'intervention françaises de la police nationale, judiciaire, j'ai été emprisonné, j'ai été torturé. Oui, j'ai été torturé par la police française. Il y a même une plainte qui a été déposée officiellement pour les tortures que j'ai subies lors de mon arrestation. Et j'ai même terminé à l'hôpital aux urgences à cause de cette torture. Puis après, j'ai eu la chance de pouvoir donc repartir dans le Donbass, entre guillemets, également. Cela m'a peut-être protégé ou pas, car fin septembre, j'ai subi une tentative d'assassinat au couteau. J'ai pris plus de 8 coups de couteau pratiquement mortels. J'ai survécu à cette tentative d'assassinat fin septembre. Voilà pour expliquer aux téléspectateurs à quel point un reporter, un journaliste peut être persécuté jusqu'à sa vie. J'ai failli donc mourir plusieurs fois. Tout ça parce que je voulais dévoiler les vérités que j'avais découvertes ou les investigations que j'avais pu entreprendre. Donc de dire la vérité, ça peut coûter la vie. Et malheureusement, j'ai failli y passer. Je suis encore là aujourd'hui. Je vais continuer mon travail. J'espère être là longtemps pour pouvoir continuer à divulguer toutes ces vérités. Mais encore une fois, ça montre un exemple et je vais terminer sur ça. Vous avez un exemple que le New York Times est en train de parler d'Afrique Média parce que tout simplement vous dérangez. On a essayé de m'assassiner, on m'a emprisonné plusieurs fois. Pourquoi ? Pour encore une fois cacher les vérités et faire taire surtout les personnes qui veulent montrer, on va dire, les preuves ou ce qu'ils font. Exactement de la même manière que Afrique Média, cette chaîne de télévision médiatique, est en train de se développer. Les téléspectateurs sont en train de comprendre effectivement qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il y a des choses que les gens, on va dire, ne comprennent pas par rapport aux médias officiels occidentaux ou pro-américaines. Et ils découvrent, grâce à Afrique Média et d'autres, qu'en fait, on leur ment, tout simplement. Ou quand ils font leur propre recherche sur les réseaux, ils voient qu'effectivement, on leur ment. Donc, ils se dirigent vers une chaîne comme Afrique Média, qui traite les sujets tels quels, mais surtout ne cache strictement rien. Et je terminerai sur une chose très simple, juste pour informer les téléspectateurs d'Afrique Média. Vous pouvez simplement vous connecter sur Internet, sur n'importe quel, que ce soit Safari, Google ou quoi que ce soit, sans faire aucune pub. Vous tapez juste Afrique Média Live et vous pouvez suivre Afrique Média en direct, tout simplement. Donc n'importe quel moteur de recherche Internet, vous tapez Afrique Média. Vous cliquez et vous aurez une petite barre avec Afrique Média Live et vous tomberez directement sur Afrique Média pour toutes les personnes qui n'ont pas de télévision ou de poste récepteur. Vous avez juste à vous connecter sur Internet et vous aurez Afrique Média en direct tous les jours, tout le temps. Voilà pour la petite précision parce que plusieurs téléspectateurs m'ont demandé. Vous avez juste à taper sur n'importe quel moteur de recherche Afrique Média et vous allez tomber direct sur le premier moteur de recherche avec donc le live retranscrit automatiquement. Voilà, merci à vous tous et merci aux téléspectateurs. Et je termine toujours par ce que je dis. N'oubliez pas, pour la jeunesse africaine, vous êtes le futur de l'Afrique. Merci, merci à vous pour ces belles paroles. Cher ami Adrien Bokeh, on est en train de sortir de cette émission. On retrouve à présent Tarek Mami. Qu'est-ce qu'on retient donc de cette information faisant état de la publication du New York Times, une campagne de sabotage malheureusement transformée en campagne de communication, en campagne de promotion d'Afrique Média? Alors, il suffit de dire qu'il ne faut pas être jaloux de ceux qui nous jalousent. S'ils nous jalousent, c'est qu'ils veulent nous prendre quelque chose qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus. Alors, qu'on les laisse vivre leur vie, que nous nous occupons de nous-mêmes, parce que, comme je le dis souvent, nous sommes ce que nous faisons, nous ne sommes pas ce que nous disons être. Ce que nous faisons, ce que nous croyons en nous, à des principes dit universel, liberté d'expression, égalité du peuple, droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, sauf qu'aujourd'hui, nous, on pratique ces principes, et beaucoup d'autres, dont ce qu'on appelle la communauté mondiale, et quand je dis communauté mondiale, je précise tout de suite que pour moi, aujourd'hui, la communauté mondiale, c'est pas la communauté internationale, la communauté mondiale aujourd'hui, c'est les anglo-saxons, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Amérique et l'Europe, plus l'OTAN. Et quand vous voyez dans les articles en langue française ou en langue anglaise la communauté internationale, vous pouvez résumer cette expression par eux. Eux qui considèrent qu'ils ont une supériorité sur les autres, qu'ils sont presque chefs de droit divin, alors qu'il n'y a plus de roi de droit divin, et que derrière, j'allais dire, qu'on les laisse faire ce qu'ils ont à faire, et surtout que nous ne faisons ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire, parce que quand on regarde ceux qui nous critiquent, on perd du temps. Alors travaillons, construisons, faisons ce que nos consciences nous disent, nous les Africains, les Franco-Africains, les Arabes, les Franco-Arabes, les musulmans, les Franco-musulmans, les Européens qui croient dans cette cause, quelle que soit la culture ou la religion à laquelle on appartient. Il n'y a qu'un seul mot. Vous savez que le Coran s'ouvre par un verset en langue arabe, Iqra. Iqra, c'est lit. Et lit, ça veut dire lit, comprend, interprète. Et en définitive, travaille, fait tourner ton cerveau. Africa Media fait ce travail d'appliquer donc ce principe de lecture, d'expression. Et nous devons être fiers de ce principe. Et nous devons surtout travailler tous les jours, ne pas nous contenter de ce que nous avons obtenu, y compris pour Afrique Média, et dire que demain, comme on dit sur France Maya Bio, notre radio, demain il sera meilleur parce que nous travaillerons plus, nous produirons plus, et pas dans notre petit intérêt personnel, mais dans l'intérêt de tous, tel qu'on l'a appris dans les livres. Et je vous remercie. Merci à vous également, cher Tariq Mami. On vous retrouve, Taïfour Smaïn. Que peut-on dire comme dernière prise de parole? Merci de me donner la parole, Julien. En fait, je voudrais revenir sur la culture de masse dont sont victimes, malheureusement, les populations européennes. Parce qu'on a formaté, justement, ces populations à croire ce qu'on raconte. Et c'est ça qui fait que on peut parler de pensée dominante qui est derrière, si vous voulez, ce spectacle, on va dire, médiatique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les opinions européennes ne sont plus de ce qu'on appelle l'information d'intérêt public. On est beaucoup plus dans ce qu'on appelle les médias bobards, pour ne pas dire médias mensonges, parce qu'on est en train de raconter un peu n'importe quoi, et qui fait que maintenant même, il y a certaines élites européennes qui ont quand même pris le sens de la mesure, à l'image de, par exemple, Emmanuel Todd, ou autre, que je ne citerai pas ici, pour protéger leur anonymat, on va dire. Les Européens, justement, en fait, en parlant de ceux qui nous gouvernent et ceux qui dictent quel chemin on doit prendre, c'est que aujourd'hui, ils opposent deux visions du monde. C'est-à-dire ceux qui sont pour les valeurs libérales, la démocratie, droits humains, ainsi de suite. Et de l'autre côté, on oppose ce qu'on appelle un monde non libre, parce que eux, ils s'estiment comme être dans le camp des mondes libres. Donc les autres sont donc dans le tort, par définition bien sûr ethnocentriste encore une fois. Donc on fait des autres quelque part des démons. Donc le monopole du bien est de côté beaucoup plus de ceux qui décident. Parce que quand on parle d'Occident, il ne faut pas oublier qu'il y a une population qui est européenne et occidentale, qui sont quasiment contre la vision de ce monde, bien sûr, bien entendu, en parlant des intellectuels surtout. Alors, il ne faut jamais oublier, enfin, je rappelle ça à titre indicatif, à ceux qui prennent ce genre de vision, on va dire, en parlant des occidentaux qui sont dans le média bobard. C'est-à-dire que il n'y a pas uniquement que les pays africains qui tiennent ce genre d'informations, ce genre de, on va dire, de vision du monde. Et vous avez des pays qui sont démocratiques. À titre d'exemple, vous avez le Brésil, par exemple, qui est un pays démocratique et qui ne partage pas du tout la vision du monde occidental. Vous avez l'Afrique du Sud, qui est un pays aussi de droit et de démocratie. Donc, il faut dire, parler aussi de l'Inde, qui est quand même un pays démocratique, qui n'a pas rejoint la chapelle occidentale. Alors, comment peut-on parler que de ceux qui professent ce qu'on appelle les droits de l'homme, la liberté, et ainsi de suite, toute cette rhétorique un peu civilisationnelle qu'on s'est octroyée ici en Occident, malheureusement, comme si les autres peuples n'étaient pas à l'origine de la démocratie, à savoir que la démocratie n'est pas un concept purement grec, comme on le répond ici, ça remonte à la Perse antique. Hein. Donc si on venait donc au dialogue entre Mégavis et ses compères qui avaient donc abordé le sujet de la démocratie, bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais toujours est-il qu'il ne faut pas non plus perdre les gens et surtout les induire en erreur, en leur faisant croire que l'Occident est le monopole du bien parce que c'est les valeurs universelles, c'est le droit de l'homme et ceci, cela. Mais quand on regarde les choses de près, allons-y de l'autre côté de la vitrine, vous allez voir qu'il y a donc des peuples qui souffrent, qui sont pratiquement dans la même position que l'Ukraine, par exemple, à savoir, par exemple, la Palestine ou la Syrie. La Syrie qui a perdu le Golan depuis 1967 et qui n'arrive toujours pas donc à le récupérer. Vous avez le Liban avec ses fermes de Shaba et Tel al-Kafar Shuba, c'est-à-dire les Tel al, c'est les collines de Kafar Shuba qui sont toujours sous contrôle israélien et qu'il y a eu ce qu'on appelle des résolutions à cet endroit pour que l'État d'Israël restitue ses terres à leurs propriétaires. Malheureusement, c'est toujours pas fait, mais quand on parle d'Ukraine, il faudrait que tout le monde obéisse au doigt et à l'œil, il faudrait que tout le monde donc souscrit à cette vision du monde. Alors encore une fois, Afrique Média, c'est une autre vision du monde et c'est très bien que ça aille dans ce sens. Et merci à vous encore une fois. Merci à vous également, Typhus Main. On va sortir de cette émission avec vous, Issa Diawara. Que peut-on dire rapidement? Je vais tenir tout simplement ce que tout va bien. Je pense que c'est la chose de mieux en mieux. Simplement, nous, peuple d'Afrique, nous devons retenir que les choses ne sont pas faciles. Il y en a de même et pour les autres peuples du monde qui veulent se faire aussi de leurs multinationales, de leurs présidents, en tout cas, qui sont des envoyés de leurs entreprises et autres. Donc, à chaque peuple son bourreau, à chaque peuple un défi clé. Nous autres, il s'agit pour nous de nous défaire totalement du néocolonialisme et bien sûr de nous défaire de tous ceux qui veulent nous empêcher, bien sûr, d'entrer en possession totale de l'Afrique. Parce que les questions aujourd'hui en Afrique, notre défi principal, ils veulent nous empêcher d'être propriétaires de notre corps. C'est ce qui n'est pas normal. Donc, nous allons dire, comme le dit le Libéré, Satan sort de ce corps. Donc, nous allons nous approprier de l'Afrique. Et Afrique Média est sur une bonne lancée. Et Afrique. Eh bien, on a perdu la connexion, on semble avoir perdu la connexion avec Bamako, mais on a saisi tout de même la quintessence du message porté par le général du peuple malien. Merci, merci à vous, cher ami Issa Diawara. Ok, merci. On a saisi la quintessence de votre message. Ce soir, on était avec vous, Issa Diawara, activiste et panafricaniste, en direct de Bamako. On avait également mon cher Typhus Main, en direct de Paris, journaliste internationaliste. Tarek Mami, également, du côté de Paris, journaliste international. On avait notre correspondant international, Adrien Bokeh, pour l'Ukraine et la Fédération de Russie. Ngouchi Béanzin était également avec nous ce soir, activiste panafricaniste. Merci à vous, chers messieurs, de nous avoir accompagnés. Merci également à tous les téléspectateurs qui ont participé massivement à cette édition de Face à l'actualité. Vous étiez très nombreux à nous suivre ce soir. Nous vous en remercions pour cela. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Restez bien sûr sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames, messieurs, bonsoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.